L'âne, partie 1. Tout lui est égal. Chaque matin, il voiture d'un petit pas sec et dru de fonctionnaire le facteur Jacot qui distribue au village les commissions faites en ville. Les épices, le pain, la viande de boucherie, quelques journaux, une lettre. Cette tournée finie, Jacot et l'âne travaillent pour leur compte. La voiture sert de charrette. Ils vont ensemble à la vigne, au bois, aux pommes de terre. Ils ramènent tantôt des légumes, tantôt des balais verts, ça ou autre chose, selon le jour. Jacot ne cesse de dire « hu, hu » sans motif, comme il ronflerait. Parfois, l'âne, à cause d'un chardon qui flaire ou d'une idée qui le prend, ne marche plus. Jacot lui met un bras autour du cou et pousse. Si l'âne résiste, Jacot lui mord l'oreille. Il mange dans les fossés, le maître une croûte et des oignons, la bête ce qu'elle veut. Ils ne rentrent qu'à la nuit. Leurs ombres passent avec lenteur d'un arbre à l'autre. Subitement, le lac de silence où les choses baignent et dorment déjà seront bouleversés. Quelle ménagère tire à cette heure, par un treuil rouillé et criard, des pleins seaux d'eau de son puits? C'est l'âne qui remonte et jette toute sa voix dehors et braie jusqu'à extinction qu'il s'en fiche, qu'il s'en fiche. L'âne, partie 2. Le lapin devenu grand.